Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Aujourd'hui, Franck Ferrand, vous nous racontez l'histoire d'une famille écossaise. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous allons parler des Montgomery cet après-midi, surtout de Gabriel, cet infortuné capitaine de la garde écossaise qui a eu, en 1559, la maladresse d'aller blesser mortellement le roi Henri II. C'était au cours du fameux tournoi des Tournelles. Et vous avez invité pour la circonstance le directeur du musée national de la Renaissance au château des Coins. En effet, nous avons demandé à Thierry Crépin-Leblond de venir faire le départ dans toute cette affaire entre ce qui appartient à la réalité et ce qui relèverait plutôt de la légende. Belle légende au demeurant, vous allez pouvoir en juger. Cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Romorantin, le 6 janvier 1521. François Ier n'a que 26 ans et, vous savez ma sympathie pour ce roi, d'âge mental, j'allais dire qu'il a peut-être un peu moins, car il n'aime rien tant que les jeux de collégiens, des jeux de main qui, comme on sait, tournent mal parfois. En ce jour des rois, il a entendu dire que chez le comte de Saint-Paul, un seigneur ayant eu la fève s'est couronné. Vous savez, c'est la tradition des rois. Sûr, alors, l'idée prend au roi et à son petit entourage de courir sus à ce rival. Et comme il a beaucoup neigé ces jours-là du côté de Romorantin, eh bien, on se décide à battre cet ennemi d'un soir aux boules de neige, figurez-vous. Voilà donc notre jeune monarque qui se lance à la tête d'une joyeuse compagnie, un peu alcoolisée sans doute, dans une bataille de potache. Dans le camp adverse, si l'on ose dire, figure un certain Jacques de Montgomery, qui est un seigneur d'origine écossaise. Alors est-ce que ce Montgomery aurait fini par se prendre au jeu un peu trop ? Toujours est-il que, n'ayant plus rien sous la main à lancer vers les assaillants, il met la main gantée sur un énorme tison rougeoyant dans l'âtre et le balance par une croisée du premier étage, idée funeste autant que grotesque, car c'est le roi lui-même, figurez-vous, c'est François Ier qui reçoit le tison en pleine face. Tout le bas du visage est frappé, brûlé, un coup vraiment rude, le roi va perdre connaissance pendant un certain temps. C'est Alain Landurand qui le raconte. Pour soigner les plaies, le chirurgien lui coupa son abondante chevelure et pour cacher la cicatrice au menton, le roi se laissa pousser la barbe. À la cour, les hommes s'empressèrent de l'imiter. Une mode était lancée pour un siècle. François Ier ne tint pas rigueur à Jacques de Montgomery. C'est assez amusant, hein, cette histoire. Si on est passé de visage imberbe aux cheveux longs à des visages barbu aux cheveux courts, c'est semble-t-il, pour autant que la chronique ait raison sur le sujet, c'est semble-t-il à cause de cette petite affaire du début de 1521. Petite affaire qui aurait pu avoir des répercussions considérables et même historiques. Alors, est-ce qu'elle est vraie, cette histoire ? Pour le moins fameuse. Ce qui est certain, c'est qu'on l'a beaucoup racontée parce qu'elle fait écho à une autre affaire nettement plus grave et qui s'est déroulée à la génération suivante. Cette tragédie, on peut dire là une des plus effarantes de l'histoire de notre monarchie, cette tragédie met en scène le fils de François Ier, Henri II, et le fils aussi de l'imprudent lanceur de tison, Gabriel de Montgomery. C'est quand même assez étonnant, ça. 38 ans plus tard, à Paris, un 30 juin 1559. Gabriel de Lorge, comte de Montgomery, est lieutenant de la garde écossaise. Il a 29 ans, il s'est levé tôt ce matin-là. C'est un homme fringant, aux cheveux clairs, aux yeux très bleus. Il est réputé ambitieux. Il est lieutenant des 100 archers de la garde écossaise et ça lui a valu, dans les mois qui ont précédé, de prendre part à un certain nombre d'événements importants, notamment à l'arrestation d'un certain nombre de personnes, notamment des parlementaires jugés hérétiques. Il se prépare puisqu'il doit prendre part dès 9h du matin à une joute. Vous allez me dire, une joute en 1559, eh bien oui, on jouait encore aux seigneurs et aux chevaliers en plein milieu du XVIe siècle. Les participants de ce tournoi de chevalerie sont très prestigieux. Le prince de Ferrare, le duc de Lorraine, le duc de Guise, le dauphin et même le roi de France en personne, Henri II. Il faut vous dire que ces festivités sont organisées à l'occasion d'un double mariage qui est la conclusion conjugale, si je puis dire, ou matrimoniale du terrible traité du Cateau-Cambrésis. D'un côté, Élisabeth de France va épouser Philippe II, le roi d'Espagne, et d'autre part, Marguerite de France va épouser Emmanuel Philibert de Savoie. Le lieu de la joute, c'est tout près de cette espèce de grande chaussée qu'on a bâtie dans le quartier de la Bastille, dans ce qu'on appelle nous aujourd'hui le Marais, qui était déjà le Marais d'ailleurs, le long de l'hôtel royal des Tournelles. Une large rue dépavée, ensablée. Alors il faut imaginer le décorum, hein, bien entendu. On a tendu partout de très belles tapisseries, les estrades ont été festonnées, de même bien sûr que la tribune et que l'arc de triomphe qui est fiché du côté de la Bastille. On voit un peu partout les armes de France, d'Espagne et de Savoie pour ce mariage royal, bien sûr. C'est Henri II qui a voulu que le tournoi ait lieu à cet endroit, en plein Paris. Vous savez, Henri II a toujours eu, quand je dis toujours, au moins depuis sa captivité en Espagne, des rêves de chevalerie, il a eu besoin de se faire valoir. Il faut vous dire que Henri II a 40 ans. C'est un homme qui, pour l'époque, vieillit évidemment, et il veut montrer qu'il est toujours très fier, robuste, nous dirions-nous aujourd'hui sportif, car sans doute qu'Henri II aura été le plus sportif de tous nos rois. Vers le milieu de la matinée, les joutes commencent donc, sous une chaleur qui se fait de plus en plus terrible, et Gabriel de Montgomery sur sa belle monture, la mine décidée, sous un casque aux plumes pourpres, fait tout à fait impression. C'est un combattant adroit, solide. Dans les tribunes, on reconnaît la dauphine et reine d'Écosse, Marie Stuart. On reconnaît Diane de Poitiers, bien sûr, hein, qui est la favorite du roi. Et puis la reine elle-même, Catherine de Médicis. Qui est inquiète, Catherine, parce que vous savez qu'elle est toujours entourée de mages et d'astrologues et qui lui ont dit que cette journée serait néfaste et qu'il fallait qu'elle se méfie d'un jour de chaleur et de poussière, etc. Il y a eu toutes sortes de mauvais présages. Le roi apparaît donc, belle armure dorée, à tour de sable et d'argent, c'est-à-dire noir et blanc, hein, ce sont toujours les couleurs de Diane que le roi porte en lice. Et le premier combat a lieu contre le duc de Savoie, son nouveau beau-frère. Henri lui lance « Serrez bien les genoux, car je vous veux bien ébranler sans respect d'alliance ni de la fraternité », lui dit-il. Les trompettes retentissent, les deux chevaliers s'élancent, c'est le choc, d'abord on entend le martèlement des sabots sur le sable, et puis le choc, toujours impressionnant, hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'assister à ce genre de tournoi, c'est très spectaculaire, bien entendu. Sa voix vacille, il manque même de tomber. C'est pour Henri II une victoire. La reine qui avait peur peut rouvrir les yeux. Elle soupire, elle s'évente. Et aussitôt, on lance un nouveau combat. Cette fois contre l'impressionnant duc de Guise. Choc brutal, aucun vainqueur. Henri II pourrait se contenter de ce double échange, mais il en veut davantage. Il lui faut une victoire nette. Peut-être, après tout, peut-être que c'est la dernière fois qu'il entre en lice. Il ne veut pas quitter définitivement l'arène, si je puis dire, sur une semi-victoire. Et il désigne donc Gabriel de Montgomery. Allez, de nouveau, les combattants se mettent en place et les trompettes retentissent. Et l'on s'élance, les chevaliers poussent leurs montures, les lances se rompent, volent en éclats. Et cette fois, on peut dire que le roi n'a pas brillé puisque Gabriel l'a clairement menacé. Il a branlé sur sa selle, il a même dû se remettre en selle à la fin de la course. Et Henri est vraiment vexé. Il demande une revanche. Pour tout vous dire, dans les tribunes, on commence à en avoir assez. La reine a envoyé un messager à son mari pour qu'il renonce. Gabriel aussi voudrait faire entendre raison à ce roi qui s'obstine. Le maréchal de Vieilleville, qui est là théoriquement comme juge d'armes, remet, ça n'est pas son rôle du tout, il remet au roi son casque. Semble-t-il, il le cale mal, enfin il ne le ferme pas, il ne ferme pas la visière. Semble-t-il. Gabriel, de son côté, n'a pas le temps de se munir d'une nouvelle lance que le roi, déjà et sans avoir attendu le signal cette fois, le roi s'élance. Ça, c'est une précipitation qui va lui coûter très cher. La lance très abîmée de Gabriel de Montgomery va riper sur l'armure du roi, va toucher le souverain au visage à travers la visière de son casque. Vous imaginez les tribunes qui se lèvent d'un mouvement et ça y est, le roi Henri est complètement effondré sur le col de sa monture. extrait de la toccata de l'Orfeo de Monteverdi à l'instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de Gabriel de Montgomery. Alors, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes donc en juin 1559. Lors d'une joute, le jeune Gabriel de Montgomery, membre de la garde écossaise, a l'honneur d'affronter le roi de France. C'est même carrément le lieutenant de la garde. Hein, oui. C'est le lieutenant de la garde. Mais cela tourne très mal. Sa lance abîmée, vous venez de nous le raconter, Franck, frappe à toute vitesse le roi au visage. On peut imaginer, bien sûr, Gabriel absolument terrifié. Alors, avant de savoir ce qui va se passer maintenant, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. Cette famille Montgomery, d'où vient-elle? Vous savez que 50% de mon ADN est normand et j'ai l'impression que ce nom Montgomery est normand. Oui, vous avez raison. La famille est liée aux premières générations de suzerains normands, hein, d'origine viking, si vous voulez, qui ont, vous le savez, conquis cette région après le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911, enfin qu'ils l'ont acquise plus exactement. Le nom se retrouve dans un certain nombre de terres qui ont appartenu aux Montgomery, c'est comme ça que vous les connaissez, à Sainte-Foy de Montgomery, Saint-Germain de Montgomery, etc. Saint-Germain de Montgomery près de Livarot. Mais voilà. Et après la conquête de l'Angleterre par Guillaume en 1066, un certain nombre de Montgomery vont s'établir de l'autre côté de la Manche et puis plus tard vont monter, si je puis dire, jusqu'en Écosse. Et ce sont des descendants de cette famille-là qui reviennent donc en France au XVe siècle, à l'époque de la guerre de Cent Ans, à une époque où la France est alliée avec l'Écosse. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure avec mon invité. Dès lors, ils vont compter dans l'histoire du royaume d'une façon positive ou bien d'une façon plus dramatique, comme on vient de le voir avec ce qui est arrivé à Gabriel de Montgomery en 1559. Vous imaginez la situation de ce jeune homme qui vient de blesser mortellement le roi dans ce qui, au départ, ne devait être qu'un jeu, même si c'était un jeu dont on sait qu'il est très dangereux. La blessure est, j'allais dire, grave. C'est bien plus que grave. Elle est effroyable. Bien sûr que tout le monde se précipite vers le roi, dont Montgomery lui-même. On le transporte à demi-conscient jusqu'à l'hôtel voisin des Tournelles où il résidait. La blessure, j'ai eu l'occasion déjà de vous la décrire, hein, déchirure faciale, il y a un tronçon de bois qui a littéralement heurté le crâne près du sourcil droit qui est entré dans l'orbite. Il ressort carrément au niveau de l'oreille. 5 éclats de bois se sont fichés à l'intérieur de la plaie. Bref, c'est un spectacle affreux. Et là, personne ne peut rien faire, que voulez-vous? C'est extrêmement difficile. Il demande qu'on décapite un certain nombre de condamnés à mort du Châtelet pour essayer de s'entraîner, pour étudier sa marge de manœuvre sur des têtes fraîches. Il faut imaginer, pendant ce temps-là, l'atmosphère à la cour, les gémissements, les pleurs, les inquiétudes, et puis aussi déjà le jeu des intérêts, vous savez, les coteries qui sont très importantes sous ce règne d'Henri II, nous y reviendrons également tout à l'heure. Le roi paraît, malgré la souffrance, il paraît serein, il rassure ceux qui l'entourent, il gère autant qu'il peut les priorités, bref, il prépare sa mort, disons-le. Il semble avoir voulu, juste après l'accident, rassurer Gabriel en lui disant qu'il n'avait fait qu'obéir. Il l'appelle auprès de lui dans les jours suivants, mais évidemment, le jeune homme reste complètement effondré. Comme le relève Didier Le Fur, l'ambassadeur du duc de Ferrare écrivit à son maître le 2 juillet que Henri évoqua de nouveau Montgomery et qu'il émit le souhait de le voir. Mais le jeune homme avait quitté Paris depuis le 30 juin. Qu'a-t-il à craindre, aurait dit le roi. Je sais bien que cet accident est arrivé non par sa faute, mais par un mauvais hasard. Oui, néanmoins, Gabriel a préféré fuir parce qu'il sait très bien le sort réservé au régicide, que ceci soit volontaire ou non. Oui. Alors, en l'occurrence, bien sûr que ce n'était pas du tout volontaire. Pendant ce temps, l'agonie du roi se poursuit, la plaie s'infecte. Henri demande même que le mariage de Marguerite et du duc de Savoie ait lieu tout de même. Alors vous imaginez ce mariage dans une ambiance sinistre. Et le 10 juillet au matin, vous voyez qu'une semaine a passé quand même, Henri reçoit les derniers sacrements. Il bénit son successeur, le tout jeune François qui n'a que 15 ans, qui est le mari de notre Mary Stuart, vous savez. Et le roi meurt au début de l'après-midi. Gabriel, de fait, est donc un régicide. Ça, vous ne pouvez rien faire. Et même si le roi s'est montré tout à fait magnanime, le conseil privé va se montrer nettement plus dur. On casse le grade de Montgomery. Il est banni. C'est une chute pour lui, hein, qui jusqu'alors était plus que bien en cours. On lui avait confié un certain nombre de missions de confiance, notamment, je vous le disais, dans la lutte naissante contre ce protestantisme de plus en plus opposé à la couronne de France. Gabriel trouve d'abord refuge en Normandie, sur sa terre de Ducey. C'est Alain Landurand qui le raconte. Le séjour est de courte durée. Se sent-il en danger ou a-t-il besoin d'évasion? Toujours est-il que son départ de Ducey à la mi-juillet semble pour le moins précipité. La première étape est l'île anglo-normande de Jersey. La mer est la meilleure des frontières contre d'éventuels spadassins. Vous voyez quand même qu'il craint, c'est le moins qu'on puisse dire, il craint vraiment pour sa vie. Puis c'est le grand large, la quête de l'oubli par un long voyage. On verra notre homme se rendre un peu partout, on le trouve à Venise, on le voit à Londres au début de 1560. Il peut compter là sur un certain nombre de soutiens familiaux et son statut de régicide va même en quelque sorte lui attirer un certain nombre de curieux. Après tout, c'est l'homme qui a tué le roi de France malgré lui. Gabriel a l'air de plaire à la reine Élisabeth Ier, il trouve sa place au sein de la cour d'Angleterre et c'est dans cet exil qu'intervient sa conversion au protestantisme qui va devenir sa cause. Dès 1561, il décide de répondre à un appel de réformés normands qui ont prévu de se révolter. Alors on voit à ce moment-là Gabriel de Montgomery retraverser la Manche, reparaître sur le territoire du royaume, sur sa terre de Ducey. On est là en décembre 1561. Ce n'est en quelque sorte que le début de ce qui pour lui va être la plus étonnante et, disons-le, la plus incroyable des aventures. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous racontez le destin de Gabriel de Montgomery qui a tué malgré lui dans un accident involontaire le roi Henri II. C'était pendant une joute. Alors il a fui la France quelques années, puis il revient en 1561. Eh oui, et il revient pour se battre car on est dans le début des guerres de religion. Vous savez, le massacre de Vassy va avoir lieu en mars 1562. C'est l'escalade déjà. Gabriel ne tarde pas à rejoindre cette armée protestante dès le printemps. Alain Landurand nous le dit. Il tient à combattre pour sa nouvelle religion, sa valeur militaire n'est plus à démontrer. Ses lieutenants viennent dans la nuit du 7 au 8 mars de s'emparer d'Avranches, ont dévasté la cathédrale Saint-André, massacrant plusieurs prêtres et religieuses. L'or et l'argent trouvés ont immédiatement été envoyés à Tomblaine, îlot battu par les vents de la mer face au Mont-Saint-Michel, car Gabriel de Montgomery en a fait son repère pour y battre monnaie. Voyez un peu les proportions que prennent cette affaire. Cet homme qui était déjà déclaré régicide se trouve maintenant dans un état de rébellion ouverte, dans cette France qui se déchire complètement. Il va jouer un rôle diplomatique dans les négociations qui s'ouvrent entre protestants français et la couronne anglaise, qui aimerait profiter des désordres pour reprendre possession de Calais qu'on vient de lui arracher. Alors, ce serait fastidieux d'entrer dans le détail de toutes les batailles auxquelles participe Gabriel. On le voit tenter de défendre Rouen face à l'armée royale et face à Catherine de Médicis, si je puis dire, en 1562. Il assiste à l'attaque d'Angoulême en 68. Il participe à la bataille de Jarnac en 69, année où il devient un redoutable lieutenant général du royaume de Navarre, donc au service de Jeanne d'Albret, la mère du futur Henri IV. Alors, il va devenir en quelque sorte un ennemi du royaume et de Catherine de Médicis, mais à cette inimitié officielle et tout à fait diplomatique vient s'ajouter une inimitié intime, car la reine n'a jamais pardonné à Gabriel de Montgomery le geste qui l'a privé de son époux. Lorsque la paix revient à l'été 1572, Gabriel fait partie des représentants du camp protestant à Paris. En marge de la cérémonie de mariage d'Henri de Navarre avec Marguerite de Valois, avec la future reine Margot, il va bien sûr croiser un certain nombre de membres de la famille royale, à commencer par la reine Catherine elle-même, qui ne l'avait pas vue depuis le tournoi fatal 13 ans plus tôt. Les jours qui suivent sont marqués par la suspicion, l'atmosphère est menaçante. Vous savez ce qui va se passer, évidemment, c'est l'effroyable massacre de la Saint-Barthélemy. Gabriel fait partie des cibles, sauf qu'il réussit à quitter Paris à temps. Et comme le souligne Alain Landurand, que nous suivons dans cette affaire depuis le début, Gabriel est le seul officier de l'état-major huguenot à échapper au massacre. On peut imaginer après ça sa colère, et comme celle de tous les protestants qui ont survécu, une lutte à mort est engagée, une lutte dont il espère bien pouvoir tirer une forme de vengeance. Vous avouerez que cette histoire prend des proportions tout à fait inattendues. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de Montgomery, celui qui a tué Henri II. Et la suite, c'est dans un instant, juste après Bob Marley. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. Is that all that glitter is gold? After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up, c'était Bob Marley à l'instant sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Voi ricordo l'orchestre de la Sinfonia de l'Orfeo de Monteverdi sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de Gabriel de Montgomery, celui qui a tué malgré lui le roi Henri II, avec votre invité Thierry Crépin-Leblond, directeur du musée de la Renaissance. Alors, on vient de le voir avec vous, Gabriel de Montgomery a survécu au massacre de la Saint-Barthélemy. Oui, mais c'est comme un fauve blessé, si vous voulez. Il est maintenant d'une fureur totale, il va contribuer à soulever tous les protestants de Normandie. On est à la fin de l'hiver 1574 et dans le cours de ses opérations, il va se faire encercler au début du mois de mai dans la place de Domfront. Domfront, c'est entre Alençon et Avranches. Là, c'est vraiment une catastrophe. Il va, au bout d'une vingtaine de jours, devoir se résoudre à la reddition. On l'emprisonne à Paris, on le juge et il est condamné par le Parlement de Paris pour crime de lèse-majesté. Ce qui veut dire question ordinaire, extraordinaire, exécution publique, bien entendu. Alors, la foule s'est déplacée place de Grève pour assister à la décapitation de ce chef protestant redouté, mais aussi, évidemment, dans le fond du cœur de ceux qui sont là, pour assister à l'exécution de celui qui avait tué le roi Henri II. On ne peut pas l'empêcher. Je laisse la conclusion à Alain Landurand. Le lundi suivant, la tête du régicide, entre guillemets, qu'on avait exposé sur une pique, fut enlevée durant la nuit sur ordre de la reine-mère, donc de Catherine, la veuve d'Henri II, qui, dit-on, avait assisté depuis une fenêtre à l'exécution. Bonjour Thierry Crépin-Leblond. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de vengeance de la part de Catherine de Médicis ? Certainement, Catherine n'avait jamais cessé d'aimer son mari défunt. Toute l'emblématique qu'elle adopte avec cette chaux vive que la pluie ne parvient pas à éteindre le montre. Après cette rancœur... Vous nous expliquez la chaux vive en deux mots. Voilà, c'est-à-dire que Catherine de Médicis, en tant que reine, avait une image qu'on appelle un emblème, qui était l'arc-en-ciel avec la figure d'Isis, la messagère des dieux. Et après la mort du roi, elle a changé, elle a retiré cet emblème, elle a pris une autre devise en latin et non plus en grec, et... où il y avait une montagne de chaux vive avec énormément de gouttes de pluie, d'orage en train de tomber dessus, et cette chaux fume encore. Ça veut dire que les flammes de l'amour de la reine ne s'éteindront jamais. L'amour et peut-être de sa vengeance. Donc. L'un ne va pas sans l'autre, en tout cas l'amour et la haine. Et effectivement, sur Gabrielle de Montgomery, elle n'a jamais changé d'avis, et elle a été la première furieuse qu'il ait réussi à s'échapper de Rouen lors du siège où meurt Antoine de Bourbon. Mm-hmm. C'est assez drôle, d'ailleurs. Bon, c'est pas Montgomery qui l'a tué pour le coup, mais ce sont ses propres hommes. Décidément. Donc, Catherine n'a pas réussi à mettre la main dessus. Et à chaque fois, elle demande de ses nouvelles. Elle demande où il est. Donc on sent bien qu'il y a une vengeance personnelle au-delà d'une forme de rancœur d'État. Si on l'a cassé de son grade... Alors lieutenant, en fait, il était le capitaine. Parce que le capitaine en titre, c'était son père. Mm-hmm. Et il tenait lieu de son père. Il était survivancier, comme on disait. Voilà. Et donc, il a été cassé de son grade et banni parce qu'il a été maladroit. Et effectivement, cette maladresse s'adressait à la personne sacrée du roi. Et donc, il ne pouvait pas ne pas y avoir de châtiment malgré le pardon du roi. Oui. Mais effectivement, s'il n'y avait pas eu le pardon du roi... Le pardon du roi à deux reprises. Hein. Tout à fait. Henri II est d'une totale clarté à ce propos. Il veut pardonner à Gabriel. Il le bénit même la deuxième fois qu'il le reçoit. Hein, donc, mais ça ne change rien à la vindicte générale, en fait. C'est pas vraiment une vindicte. C'est une stupeur qui a besoin, en quelque sorte, d'un bouc émissaire. Et voilà, c'est ça. Le roi est bien conscient de sa propre erreur, mais il est sacré, il a été oint à Reims, donc toucher le roi, c'est toucher en quelque sorte une part de la divinité. Donc souvenez-vous, quand l'Arche d'Alliance entre à Jérusalem, elle va verser, un homme l'empêche de verser, il tomberait de mort, parce qu'on ne doit jamais toucher l'Arche d'Alliance. Le roi, c'est pareil. Donc celui qui, malgré lui, l'a blessé à mort, est de toute façon coupable, dans une moindre mesure, évidemment, heureusement, on ne l'a pas écartelé, non, etc. Voilà. Normalement, effectivement, la peine réservée au régicide, c'est l'écartèlement, c'est le plus affreux de tous les supplices. C'est ce qui arrive à Paul Trot de Méré, lorsqu'il tue François de Guise, puisqu'on estime que le duc de Guise est un lieutenant du roi, donc doit être... C'est comme un régicide, et Paul Trot de Méré est traité comme tel. Alors ce n'est pas le cas, évidemment, de Gabriel. Il est déclaré néanmoins régicide de fait, en quelque sorte. Hein, c'est un régicide malgré lui. C'est-à-dire que ce n'est pas déclaré par écrit. Voilà. Mais sa maladresse fait qu'effectivement, on le punit. Voilà. Alors lui aurait pu passer un restant de vie dans une sorte d'errance. On l'a vu recueilli par la reine d'Angleterre. Il aurait pu vivre à l'étranger. En Italie aussi. Et puis en Italie, donc à Venise, un certain temps, etc. Et au contraire, c'est comme si la maturité venant, il relevait le gant d'une certaine manière et se mettait à faire de cet acte involontaire de sa jeunesse quasiment un fait d'armes. Est-ce qu'on peut dire qu'il va jusqu'à revendiquer la mort d'Henri II ? Je ne crois pas, parce qu'on a dit qu'il avait changé d'armoire. Voilà, ça n'est pas par vrai. Exemple. Non. C'est une attribution a posteriori. C'est toujours le même problème dans ces événements-là. Eh oui. Un peu comme la mort de César, hein, les ides de mars, il y avait des signes annonciateurs. Mais oui. Tout ça, on les découvre après. Oui. Donc, dans ce cadre-là, non, il a gardé ses armoiries propres, qui avaient les fleurs de lys. Et c'est ça qui a donné l'envie. C'est parce que à Bouvines, un de ses ancêtres, s'était distingué. Donc, il avait un écu avec des fleurs de lys dans les cartelets. Et on a cru qu'il voulait les enlever pour signifier « je les ai tués ». Alors, ça, c'est de l'interprétation du XVIIe siècle, en fait. Mmh. Donc, c'était un très valeureux combattant, et c'est ça qu'il a voulu montrer à chaque fois, c'est qu'il n'avait jamais démérité, et effectivement, auprès du prince de Condé, comme de l'amiral de Coligny, c'est lui qui avait la charge de l'avant-garde. C'était l'homme d'action efficace. Alors, ne l'allons pas revenir sur les circonstances de la mort d'Henri II, sur lesquelles je me suis beaucoup étendu dans divers écrits, et même ici à plusieurs reprises à ce micro, mais au-delà des circonstances, vous avez vous-même évoqué à l'instant toutes ces prédictions, ces prophéties, etc. Vous nous dites que les prophéties en question sont a posteriori. Il y a quand même, qu'on le veuille ou non, celle de Nostradamus qui avait été éditée 4 ans plus tôt. Effectivement, mais personne n'y a pensé. Oui, c'est voilà, au XVIIe siècle qu'on a fait le lien. Oui, voilà. C'est ça le problème. C'est toujours après coup qu'on dit « Ah mais oui, mais en cherchant bien, on trouve quelque chose. » Parce qu'effectivement, la mort d'un roi, surtout dans ces circonstances-là, c'est quelque chose de formidable. Et donc, il faut qu'on le remette dans le cadre humain. Et le remettre dans le cadre humain, c'est trouver toujours des raisons de dire « Ah mais oui, mais on aurait pu le prévoir. » De la même manière, on n'est pas tout à fait certain que ce soit le père de Gabriel, Jacques de Montgomery, qui ait blessé François Ier à Romorantin, en fait. Non, l'identification est venue justement après. Après, là encore. On sait que quelqu'un l'a fait, mais on ne sait pas qui. Et alors, justement, il y a une famille idéale. Ah oui, finalement, ça devient un peu les ennemis malgré eux de tous les rois de France. Ce qui est dommage, parce que Jacques de Lorge, le père, a été un valeureux héros aux côtés de Bayard, notamment lors de la défense alors, de Mézières. Justement, si vous êtes d'accord, dans un instant, on va revenir sur l'origine de cette famille, sur son engagement depuis des décennies, même des siècles, sur le territoire français. Et ça va nous permettre d'évoquer toutes ces grandes familles écossaises au service de la France. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes en plein XVIe siècle, cet après-midi, au cœur de l'histoire de Gabriel de Montgomery, qui a tué Henri II par accident lors d'un tournoi qu'il organisait pour le mariage de sa fille. Alors justement, il faut peut-être qu'on dise un mot, Thierry Crépin-Leblond, de cette affaire de tournoi. Parce qu'on imagine les tournois au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, mais pas au XVIe. Que fait un tournoi de chevalerie en plein Paris sous le règne d'Henri II ? Ça paraît étrange. Ça va rester une constante dans la vie de cour, parce que le roi doit se montrer et son entourage doit se prouvé comme valeureux. Catherine de Médicis interdira les joutes, évidemment, cause, à partir de la mort de son mari. Les successeurs d'Henri II et même Henri IV et ses propres successeurs respecteront cette interdiction qui pouvait menacer la vie de quelqu'un, mais on aura à ce moment-là des carousels phénoménaux où on continuera à montrer sa capacité à manier son cheval. On a le recueil de Pruvinel. Le dernier grand carousel, c'est 1660. 1667, hein, oui. 67, c'est Louis XIV. Pardon, oui. Et on a des planches aquarellées fabuleuses à la bibliothèque de Versailles qui nous montrent la richesse des costumes, les caparaçons. Ça reste des grands spectacles. Et ça, il les faut, c'est obligatoire. Et le roi doit se montrer le meilleur. Tout comme dans la danse. Hein. Le ballet, là aussi, il va reprendre. Jean-Marie Apostolides, dans un ouvrage qui s'appelle Le Roi Machine, estimait justement que le carousel était une manière d'institutionnaliser ce qu'il appelle le désarmement de la noblesse d'épée, mais c'est-à-dire qu'il faut donner à la noblesse une place dans la société, il faut que cette place soit visible et qu'elle soit clairement sujette du roi, bien entendu. Donc il y a toute une symbolique qui accompagne exactement ces tournois. C'est un comportement exemplaire, tant de la noblesse que du roi par rapport à elle. Il n'empêche que dans le cas précis et personnel d'Henri II, il y avait quand même bien la volonté d'en découdre. C'était un roi qui adorait tous les exercices physiques, il ne faisait même que ça, j'allais dire, et il prenait un grand plaisir à ce... Voilà, il voulait montrer qu'il n'avait rien perdu, effectivement, de sa virilité et de sa capacité physique. Et un peu comme son père, hein, il a été aussi grand que François Ier. Et il s'entraînait à sauter de cheval, etc. Il aimait être admiré, non seulement pour ce qu'il était, on va dire pour sa couronne, mais pour ce qu'il était réellement. Et si la mort d'Henri II a été un tel choc dans l'ensemble du royaume, c'est que le roi était très apprécié, hein, en son temps. Aujourd'hui, le règne d'Henri II est un peu éclipsé par celui de son père. père, bien entendu, et puis par ces guerres de religion qui vont naître pendant le règne et qui surtout vont se développer juste après sa mort. Mais à l'époque, on considère que c'est un grand règne, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est Henri le Grand. Henri le Grand, oui. Toujours. Et pendant très longtemps, les protestants ont espéré rallier le roi, d'abord Henri II, puis François II, puis Charles IX, à leur vue. Ils en ont toujours eu contre l'entourage, mais jamais contre le roi lui-même. Alors, revenons à notre Gabriel et à ses fameux Montgomery. Depuis quand sont-ils au service de la Maison de France, ces Écossais ? Alors, en fait, Montgomery, Écossais, revient en France avec un certain nombre d'autres autour des années 1425-1440, quand les Écossais sont appelés, au nom de la vieille alliance, à venir secourir le roi de Bourges. C'est-à-dire que l'Old Alliance, bon, il y en a qui ont dit qu'elle remontait aux Carolingiens, n'exagérons rien, elle est signée... En tout cas, elle remonte au XIIIe. Voilà, elle est signée en 1296 entre Philippe le Bel et le roi d'Écosse. Le traité est simple. Quiconque est attaqué par les Anglais verra l'autre déclarer la guerre aux Anglais. Ah oui, c'est que là, je le dis notamment pour les plus jeunes de nos auditeurs qui, pour qui l'Écosse fait partie des, maintenant, bien entendu, du Royaume-Uni. Quoique, la question se pose de plus en plus. Mais pendant très longtemps, l'Écosse était non seulement un royaume indépendant, mais un royaume souvent ennemi de l'Angleterre. Et donc, les Écossais cherchaient des alliés contre les Anglais. Et donc, en l'occurrence, les Français ont trouvé que c'était très pratique. Voilà, et ils ont tenu parole des deux côtés. C'est-à-dire que plus une fois un roi d'Écosse est mort sur le champ de bataille pour avoir attaqué les Anglais en respectant l'Old Alliance. Et dans l'autre sens, pendant la guerre de Cent Ans, au nom de l'Old Alliance, il y a eu des débarquements de Français en Écosse. Alors malheureusement, ils n'ont pas réussi à remporter de grandes victoires, donc on l'a un peu oublié. Mais c'est par exemple pour ça que Jacques de Lorge est fait capitaine de la garde écossaise. C'est parce qu'il a emmené un contingent Lorge, secourir... Lorge, c'était son autre titre, hein, je le oui, dis. Oui, voilà, c'est-à-dire le père de Gabriel de Montgomery a été fait capitaine de la garde écossaise parce qu'il avait emmené un contingent aider Marie de Guise, reine régente d'Écosse, la mère de Marie Stuart, contre les Anglais. Parce que ça aussi, c'est pas mal. Les Lorraines ont marié leur sœur au roi d'Écosse, Jacques V, mais en l'occurrence, la reine ensuite, elle-même, va marier sa fille au dauphin de France. Et nous avons eu en France une petite reine de France, Marie, qui était en même temps reine d'Écosse. Alors ça n'a pas duré longtemps par définition, hein, puisque il se trouve que son mari est mort très vite voilà, d'une maladie. Un an et demi de règne ne lui ont pas permis de rester longtemps reine de France, mais elle est restée reine douairière de France. Mm-hmm. Et on la trouve encore dans les séries de femmes fortes gravées par Claude Vignon. Les deux dernières, ce sont Jeanne d'Arc et Marie Stuart. Alors, est-ce qu'il y a, en dehors des Montgomery, d'autres familles, des grandes familles d'Écosse, comme ça, qui, petit à petit, se sont installées dans le royaume Alors, de France? Il y en a une première, effectivement, qui est le chef du clan Cunningham, Robert de Cunningham, qui a été capitaine de la garde écossaise vers 1475, et qui a épousé une Française et a récupéré sa seigneurie. C'est juste aux portes de Niort, ça s'appelle Cherveux, et il s'est bâti un château en faisant venir des ingénieurs du roi pour bâtir ce château, qu'on peut visiter le week-end, hein, qui est un véritable joyau d'architecture, encore un donjon-porte. Donc on reste à la marge entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Il y a les Hamilton aussi. Alors ça, c'est plus politique, c'est-à-dire que un Hamilton allié aux Stuart était régent d'Écosse. Et François Ier, pour s'assurer que le régent d'Écosse suivait la politique française, l'a fait duc de Châtellerault. Donc effectivement, quand vous allez à Châtellerault, il y a encore un jumelage avec l'Écosse, par souvenir de ce duché royal que François Ier, un moment, a donné au Hamilton. Et je salue, puisque vous parlez de Châtellerault, non loin de là, dans les Deux-Sèvres, je salue les habitants de Bressuire qui ont reçu l'année dernière à bras ouverts des Écossais pour les Highlands Games, vous savez, ces espèces de Jeux Olympiques écossais, dont l'épicentre, dont la capitale mondiale l'année dernière était Bressuire. C'est quand même extraordinaire. Hein. Il y a le tombeau de Marguerite d'Écosse, qui était la première femme de Louis XI. Et voilà. C'est curieux, tous ces liens qui ont été noués comme ça. Alors, vous avez prononcé un nom, celui des Stuarts, bien entendu. Voilà. Alors, on dit toujours les Stuarts, on pense au roi d'Écosse, mais il y avait plusieurs branches, notamment les Darnley et les Lennox. Et ils sont venus s'installer, effectivement, en France assez tôt. Et c'est en 1423 que Charles VII donne à Jean Stuart la cité d'Aubigny-sur-Nère et qu'il peut acquérir la terre de la Verrerie. Ou alors, ils vont s'installer de manière très pérenne. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. au cœur de l'histoire de la mort d'Henri II, donc depuis 14h avec Gabriel de Montgomery, celui qui a tué malgré lui le roi Henri II. Et vous avez remarqué que nos auditeurs ont assez mal pris le terme de meurtrier qui est apparu sur les réseaux sociaux ce matin, qui n'est peut-être pas effectivement très... C'est un homicide involontaire, oui, on va dire ça comme ça. Peut-être un peu maladroit comme terme, mais l'idée était que le pauvre, en tout cas, a été bel et bien considéré comme tel, on peut dire ça, hein, Thierry Crépin-Leblon. Aux yeux des gens, il était un meurtrier. Alors, de fait, oui. Oui, c'est ça. Involontairement, la réalité était la même, il avait mis fin à l'existence d'un roi. Ça ne s'oublie jamais. Voilà. C'est un régicide, effectivement. Oui. Alors Thierry Crépin-Leblon, votre invité, Franck Ferrand, est directeur du musée de la Renaissance au Château des Coins, c'est dans le Val d'Oise. Eh oui, alors c'est un merveilleux, j'ai eu l'occasion d'en parler beaucoup, de ce merveilleux Château des Coins, avec notamment ces cheminées peintes au décor absolument unique, qui à elles toutes seules méritent le voyage, mais il y a des collections très riches, beaucoup d'expositions. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer cette année au musée national de la Renaissance, Thierry Crépin-Leblon? Un peu exceptionnel puisque nous fêterons les 40 ans de l'ouverture du musée en 1977. Il y a tout un réseau qui va se mettre en place. 77-2017, et oui, 40 ans. Et on va mettre des œuvres du musée chez un certain nombre de partenaires. Il y a un réseau qui se met en place avec beaucoup de renvois. Et on va publier pour la première fois la monographie du château, son architecture, son décor peint, ainsi que le guide des collections du musée que va publier la Réunion des musées nationaux. Château que l'on doit au célèbre connétable Anne de Montmorency, bien entendu, hein, voilà. qui en a été l'âme d'une certaine manière. À ce propos, si je puis dire, vous vouliez parler du maréchal d'Aubigny et de son rôle sous François Ier. Parce que voilà, Anne de Montmorency, d'un côté, est un grand personnage et il était présent au tournoi dont il était le juge de 1559, mais on a souvent des personnages qui sont occultés par d'autres. Et Bayard, par exemple, a fait oublier qu'un des grands héros des guerres d'Italie, envoyé notamment sur Naples, c'était Stuart d'Aubigny, qui était en fait donc Robert Stuart, comte de Lennox, et qui a fait rebâtir le château de la Verrerie, je pense que vous en parlerez, et en même temps qui est très souvent celui qui maintient l'honneur de la France sur le sol italien à la tête des armées. Et il ne meurt qu'en 1544. Oui, donc il a eu une longue vie. Presque à la fin du règne de François Ier. Voilà, et on l'a honoré du titre de maréchal de France. Alors, nous parlions de ces grandes familles, les Hamilton, les Cunningham, les Stuart, qu'on appelle à la cour de France les Stuarts, en changeant leur nom, qui au départ était Stuart, tout simplement d'ailleurs. Elles ont laissé, bien entendu, un certain patrimoine. Vous me voyez venir, Thierry Crépin-Leblon, nous nous approchons de la partie patrimoine de l'émission. Elles nous ont laissé des châteaux, des domaines qui sont plus ou moins écossais, mais qui en tout cas appartenaient à des familles écossaises. Effectivement, tout autour des Stuart, il y avait un certain nombre de gens fiefs de leur entourage. Donc beaucoup de maisons de la ville d'Aubigny-sur-Nère sont reconstruites après 1512 parce qu'il y a eu un incendie assez dévastateur. Et il y avait un château où se trouve le musée de l'Old Alliance, en même temps que la mairie, et qui est en cours d'étude. Donc je pense qu'au bout de cette étude, on pourra redater un certain nombre de salles, un certain nombre de décors. Mais c'était le fief central avec effectivement des décors aux emblèmes de Robert Stuart, à l'initiale de son épouse, sa deuxième épouse, Jacqueline de Lacueil, ce qui fait qu'on trouvait partout « J'aime Jacqueline ». Non, c'est pas un graffito sur un arbre, c'est réellement le décor ostentatoire voulu par Robert Stuart. Alors, disons un mot peut-être de Ducey et du fief des Montgomery, Normandie. Il y avait un château très important, mais qui a été rebâti en fait par le fils de Gabriel. Malheureusement, il ne nous reste plus que la galerie et le pavillon par rapport à un château qui était beaucoup plus important. Mais ça reste un magnifique témoignage de l'architecture de la Renaissance dans le département de la Manche. Vous parliez de Châtellerault aussi. Alors Châtellerault, il y a de très belles demeures du XVIe siècle, notamment l'hôtel des Sibylles. Quand vous vous promenez sur le boulevard, vous voyez deux rangées de bustes qui représentent les 12 Sibylles qui ont annoncé la Passion de Christ, mais travaillées comme des décors qu'on appelait à l'antique à l'époque. Et en vous promenant dans Aubigny-sur-Nère, vous retrouvez des bustes parfaitement comparables. Merci Thierry Crépin-Leblon. Vous êtes le directeur du musée de la Renaissance au château des Coins. Merci beaucoup Anissane, on se retrouve demain pour une autre rediffusion du dimanche, 14h. Oui, nous serons en Italie demain, vous nous emmenez sur les traces de Savonarole. À Florence.